L'actualité vous fait bouillonner. Vous pensez que les vrais problèmes ne sont pas abordés pendant cette campagne présidentielle et vous fulminez tout seul devant votre télé. Cessez de vous faire de la bile et, comme Donald Trump, profitez des bienfaits thérapeutiques de l'écriture en déchargeant toute votre haine sur Internet et ses réseaux sociaux. Grâce à l'aide des géants du web qui déclinent toute responsabilité, dites tout ce que vous pensez sans filtre et sans être inquiété par d'éventuelles poursuites judiciaires. Bien caché derrière votre écran d'ordinateur, vous vous sentez enfin vous-même et proférez en toute tranquillité les propos haineux que vous n'auriez pas eu le courage de vociférer dans la réalité. En vous inscrivant à nos ateliers d'écriture en ligne de Paroles Libérées, vous retrouvez enfin calme intérieur et sérénité. Profitez de la vie avec un tweet bien senti. C'était un message de l'APBM, l'association des populistes bêtes et méchants.